Thérèse, la lectrice de Marie-Louise, amoureuse du duc, comme il l'est d'elle, les interrompt pour faire ses adieux au duc, car elle part le lendemain avec elle dans son duché de Parme. Le duc et Procache reprennent alors un cours de tactique militaire. Procache, déroulant un papier qu'il a apporté et l'appliquant sur la table. « Je vous soumets un plan. Faites-moi la critique. » Le duc, débarrassant la grande table, écartant les livres et les armes pour ménager un champ de bataille. « Attends. Prends-moi d'abord, là, dans ce coin, tu vois, la grande boîte. Où sont tous mes soldats de bois ? Ma démonstration, je vais bien mieux la faire avec notre petit échiquier militaire. Prouvez-moi que ce plan est des plus hasardeux. » Le duc posant la main sur la boîte dans un retour de mélancolie. Voilà donc les soldats de Napoléon II. Prince, la surveillance est tellement étroite que même mes soldats, tu peux ouvrir la boîte, que même mes soldats de bois sont autrichiens, pas seulement un. Posons notre aile gauche. Il prend sans le regarder le soldat que lui passe Procache, cherchant de l'œil sa place sur la table, le pose et brusquement le voyant. Tiens, quoi donc ? Un grenadier de la garde ! Procache lui en passe un autre. Un vélite ! À chaque soldat que lui passe Procache, un guide, un cuirassier, un gendarme d'élite. Ils sont tous devenus français. On a repeint chacun de ces petits combattants de sapin. Il se précipite vers la boîte et sort lui-même avec un émerveillement croissant. Français ! Français ! Français ! Quel est donc ce prodige ? Quelqu'un les a repeints et resculptés, te dis-je. Quelqu'un ? Et ce quelqu'un est un soldat. Pourquoi ? Il y a 7 boutons à la Bible du roi. Les collets sont exacts. Les revers sont fidèles. Torsades, brandebourgs, trèfles, nids d'hirondelles, tout y est. Ce quelqu'un ne peut être indécis, ni sur un passepoil, ni sur un retroussi. Les liserés sont blancs. Les pattes ont 3 pointes. Oh, toi, qui que tu sois, ami, c'est à main jointe que je te remercie. Ô soldat inconnu, qui je ne sais comment, je ne sais d'où venu, a trouvé le moyen, dans ce bagne où nous sommes, de repeindre pour moi tous ces petits bons hommes. Mais comment a-t-il fait pour échapper aux yeux ? Oh, quel est le pinceau, tendre et minutieux, qui leur a mis à tous des petites moustaches, qui timbra de canons croisés les sabres taches, et qui n'oublia pas de se tremper dans l'or pour mettre aux officiers la grenade ou le corps. Sortons-les tous. La table est toute couverte. Voici les voltigeurs à l'épaulette verte. Voici les tirailleurs et voici les flanqueurs. Sortons-les, tous ces petits vainqueurs. Oh, regarde, Procache, dans la boîte, enfermé, regarde, il y avait toute la grande armée. Voici les mamelouks. Tiens, là, je reconnais les plastrons cramoisis, des lanciers polonais. Voici les éclaireurs, culottés d'amarante. Enfin, voici, guêtrés de couleurs différentes, les grenadiers de ligne aux longs plumets tremblants qui montaient à l'assaut avec des mollets blancs. Et les cosseries chasseurs, aux pompons verts en poire, qui couraient à la mort avec des jambes noires. Pareil aux prisonniers rêveurs, qui se feraient toute une frémissante et profonde forêt, avec l'arbre en copeaux d'un jardin de poupées. Rien qu'avec ces soldats, je me fais l'épopée. Mais c'est vrai, mais déjà, je ne vois plus du tout la rondelle de bois qui les maintient debout. Cette armée, on dirait, Procache, lorsqu'on recule, que c'est l'éloignement qui la rend minuscule. Alignons-les. Faisons des wagrams, des hello. Il saisit un sabre, posé parmi les armes sur la console, et le place en travers de son champ de bataille. Tiens, ce yatagan nu va représenter l'eau. C'est le Danube. Il désigne alors des points imaginaires. Essling ! Mais le duc est interrompu par le chancelier Metternich, entré depuis un instant, qui s'étonne de ses nouveaux soldats et surtout de l'absence de soldats autrichiens. Alors, toute l'armée est française aujourd'hui. D'où vient qu'on ne voit pas d'Autrichiens ? Ils ont fui, Metternich, emporté et jeté ses soldats. Metternich introduit alors un soi-disant ami du duc, le maréchal français Marmont, traître à Napoléon Ier, et s'en va.